Bilakaya Biblia Onanga Mokapo Eteni Molongo Nandi Mele Bolingo Nanzambe Bilakaya Biblia Onanga Bilaka Bilakaya Biblia Onanga Mokapo eteni molongo Nandi mele bolingo nazambe Bilaka ya Biblia ponanga Bilaka ya Biblia ponanga Mokapo eteni molongo Nandi mele bolingo nazambe Bilaka ya Biblia ponanga O bilaka Bilaka ya Biblia ponanga Ponanga Mokapo eteni molongo Solo Nandi mele bolingo nazambe Bilaka ya Biblia ponanga chaque commerce dans le livre mien Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne oui, je crois son amour divin Chaque commerce dans le livre mien Oh, chaque commerce dans le livre mien Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre Amour de Dieu, oui, je crois son amour divin Chaque commerce dans le livre mien Oh, bilaka, ya Biblia ponanga, ponanga, mokapo, eteni, molongo, nandi meli bolingo nazambe, bilaka, ya Biblia ponanga, Oh, bilaka, ya Biblia ponanga, oponanga, mokapo, eteni molongo, bolingo, nandi meli bolingo nazambe, bilaka, ya Biblia ponanga. Est-ce que c'est pour toi? Promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Et je crois en son amour divin. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous te remercions ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes. Sur la terre des vivants. Et t'invoquer encore. De t'adorer aussi, de te servir et t'écouter, de communier fraternellement autour de la parole de vérité, réclamant la justice du royaume de Dieu, priant avec ferveur, persévérant et déterminé, croyant chaque promesse que tu as faite, que tu es fidèle pour l'accomplir. Écoute nos prières, Seigneur. Relève-nous de nos faiblesses, de nos chutes. Confond le mal et le péché dans chaque vie. Que ton royaume s'impose dans l'église et dans nos nos frères et dans nos sœurs. Que ta volonté s'impose à nous, Seigneur. Chacun de ceux qui ont décidé de quitter le monde, de se séparer de l'incrédulité, des injustices de la terre, Seigneur, sois leur soutien. Apporte-leur ton secours chaque jour. Car sans toi, nul ne peut rien faire. Nous croyons absolument au nom de Jésus-Christ et à la parole infaillible de sa grâce. Le message de grâce que tu as envoyé, le message du salut pour notre temps. Réveille ceux qui dorment, guéris les malades encore, guéris nos âmes en profondeur, donne-nous un salut parfait dans la joie et pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur maintenant. Dans Jean au chapitre 16, nous prenons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Solo na bino zambi ekoyesa bino litumba soko na kolongwa ete soko na kolongwa te mosungi akoyela bino te kasi soko na kokenda na kotindela bino ye epai na kotinda ye epai na bino ekoya ye akopamela bamokili na ntina na masumu mpe na ntina na boyenge bene mpe na ntina na kosambisama na ntina na masumu zambi bandimingai te. Na tina na boyenge bene, nzambi na kokenda epai na tata, pe na kumona na lisusu, bokumona lisusu ngai te. Na tina na kosambisama, nzambi mokolo na mokili oyo asili kosambisama. Luc chapitre 18, Luka mokapazoni na mwande, verset 1 à 8. Nga yambo kino ya mwande. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Elle ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alobaki na bango lisese moko na ntina ete ekoki na bango kobondela ntango nyonso mpe kolemba te. Alobaki ete mosambisi azalaki na mboka moko oyo abangaki nzambe te mpe akanisaki moto te. Nde na mboka yango mwasi oyo akufoli mobali azalaki mpe ayaki epai na ye mpe alobi ete longisa ngai na ntina na moyini na ngai na liboso aboyi nde na nsima alobi na motema na ye ete ata nabangi nzambe te mpe nakanisi moto te nde mpo ete mwasi oyo atungisa ngai na kolongisa ye ete alembisa ngai na koya mingi boye te polo alobi ete yoka yango elobi mosambisi mabe Nzambe akolongisa bakonami na ye te baoyo bazali kobianga ye moyi na butu Pe ba oyo ajali koyoka bango na motema molayi, na lobi na bino ete akolongisa bango noki noki. Kasi wana ekoya mwana na moto, akokuta kondima awa na se. Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu makapo ya mitano mwango ya motoba. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ma pamboli et pa ina bango ba jali na posa na kouyampe koumela, boyenge bene. Zambi bakotonda. Adieu, bénisse la lecture de sa parole. Zambi apambola botanja lobanae. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Koukouvanda na kombo na Jésus-Christo. C'est dans ce seul nom du Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons l'évangile de Dieu. Croyant chaque promesse dans le livre comme nous appartenant. Aimant Dieu de l'amour dont il nous a aimés. Et rendant gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait sur la terre des vivants. D'être dans la foi, de marcher dans la piété, de réclamer sa ressemblance, de vouloir plus d'humilité, d'être serviable envers les enfants de Dieu, d'avoir la joie du salut, de témoigner de ses œuvres, de s'émerveiller parmi les humains, de nous montrer ferme dans notre témoignage, sachant que Dieu reste Dieu. Et le monde avec sa convoitise passera. Mais même si le monde passait, ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement comme dit la parole. Qui est celui qui croit ça? Oui, que Dieu vous bénisse sincèrement. Nous vous aimons de l'amour dont Dieu vous a aimé. Et nous aimons notre Dieu de l'amour dont il nous a aimé. Mettez-vous à l'aise à la table du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. La vie que Dieu donne n'est pas semblable à celle que nous ramassons ça et là. Que nous bricolons sur base des promesses que nous recevons les uns des autres. Car les promesses des humains sont éphémères. La promesse de Dieu est durable. Dans les promesses de Dieu, il n'y a pas la vie réelle. Dans les promesses des humains, il n'y a pas la vie réelle. On fait croire que l'espoir fait vivre. Et on nous nourrit des promesses matin, midi, soir. Vous empêchez de piquer des crises cardiaques et mourir très tôt. Les hommes nous font des promesses et des promesses. Mais les promesses sont éphémères. La promesse de Dieu seul est durable. L'homme peut promettre et après quoi mourir lui-même et derrière réalité. Car l'homme n'est pas garant de sa vie ni de ses lendemains. Un seul tient la vie de tous les humains, les souffles de tout ce qui respire, et c'est Dieu notre créateur. Que son nom soit adoré et glorifié, car tout ce qu'il fait à l'égard des humains est bien fait. Nous poursuivons notre thème sur le baptême du Saint-Esprit et nous sommes en train de parler d'une question biblique dans cette série. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous en sommes arrivés au troisième but pour lequel le Saint-Esprit a été donné. C'est pour convaincre le monde en ce qui concerne la justice, le péché, la justice, le jugement. Trois grands points doctrinaux. Mais ces choses Le monde ne va pas y accéder par la force des théories. Le plan de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui convaincra le monde. Et je suis persuadé qu'il a les atouts pour le faire. Le Saint-Esprit possède ce que l'homme n'a pas. Le Saint-Esprit est capable de ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme peut parler, discourir, faire des incantations et montrer ceci et cela. Mais il est autant limité que lui-même est limité. Dieu seul est infini, illimité, parfait, incomparable. Les capacités sont inestimables. Et sa puissance non mesurable. Et si profonde, si large, la puissance de notre Dieu. Nous sommes confiants en ça. Et là où moi je ne peux pas, lui mon Dieu pourra. Car rien n'est impossible à Dieu. J'étais venu dimanche, j'étais venu mercredi, mais c'est encore aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Que notre foi le croit vraiment et profite pour avancer. Qui ne voit pas plus loin que le bout de ton nez, qui ne voit pas plus loin que la limite de tes douleurs et tes souffrances, ou bien toi qu'il y a un Dieu illimité qui t'a appelé et qui t'a associé aux affaires de son royaume, qui t'a rendu participant des affaires du royaume de Dieu. Et parmi les sauvés, les rachetés, tu as ton rang. Parmi les élus, tu as ta place. À cause de cela, reprends courage. Sois fort et même très très fort. Dans l'évangile de Dieu qui t'invite à croire. Chaque jour vivant par la foi. Et Dieu a dit que le juste vivra par sa foi. Et cette foi ne nous quitte pas. Que cette foi ne trébuche pas. Que cette foi ne défaille point. Que cette foi s'accroisse chaque jour. Que cette foi s'affermisse devant Dieu. Et que cette foi devienne de plus en plus performante et rende le résultat qu'il faut. Même le prophète William Branham, il a adressé des paroles de prière et des paroles inspirées. Et l'une d'elles, je peux la lire ici. Avant de lire encore une autre là. Oh, c'est tellement bon. Notre frère Branham. Il dit ici dans les sermons, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Prêché le 4 octobre 1959. Qui est celui-ci? Donc le paragraphe 12. Il dit, inclinons maintenant la tête avant de lire la parole. C'est au début de la prédication. La prière et puis on lit la parole. Il dit, inclinons maintenant la tête avant de lire la parole. Et puis il dit, notre précieux Seigneur, nous te remercions très humblement du fond de notre cœur pour cette espérance vivante que nous avons. Y a-t-il quelqu'un qui s'associe à cette prière et qui se sent capable de dire la même chose devant Dieu après avoir entendu ces quelques paroles d'introduction que vous venez de prononcer? Notre précieux Seigneur, nous te remercions sentions très simplement au fond de notre cœur pour cette espérance vivante que nous avons. Ce n'est pas l'espoir du genre espoir du monde et des gens du monde. Où nous nous fait croire que l'espoir fait vivre et où nous nous promettons de nous. Pour soutenir, vous soutenir moralement dans vos souffrances, dans vos inquiétudes, dans vos incertitudes de lendemain. Vous multipliez des promesses comme des fruits. Mais au-dedans de vous, là, qui entendez les promesses que ça ne va pas. Et les promesses que vous multipliez, ça ne suffit pas. Les promesses n'arrangent rien du tout. Mais on vous dit que l'espoir fait vivre. Oh mes chers amis, nous savons mieux que les promesses des hommes. Par la grâce de Dieu, notre espérance se fonde dans la parole infaillible de Dieu. Parce que tu te sens différent pour ça. Notre espérance en nous est vivante. Elle ne tient pas du hasard. Elle ne tient pas de paroles des hommes. Elle tient de la parole immuable de Dieu. C'est Dieu immortel. Et c'est toute la différence. Et nous, ce n'est pas le simple espoir qui est vivant. Mais c'est une espérance vivante que nous possédons. Oui. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et chaque promesse dans le livre m'appartient. Même si je ne la comprends pas, mais je croirai toujours. J'en suis un ayant droit. Et il suscite au-dedans de moi une espérance vivante. Et c'est de la justice de Dieu de nous confirmer et de nous manifester ses promesses. Quand nous venons revendiquer, Dieu sera juste quand il les accomplit pour nous. Il serait injuste de sa part de nous formuler des promesses et que lorsque nous venons devant lui pour réclamer les promesses, notre loi que lui a suscité à nous, il nous a inspiré et que Dieu se met à dire attendez d'abord. Vous n'avez pas bien compris. Non, pour être juste, doit tenir chaque promesse que la fait. Et toi aussi pour être juste avec le tu dois croire chaque promesse que Dieu a fait. Prends-la pour toi-même. Comme a dit Père Branham, les gens d'aujourd'hui sont des névrosés mentaux. Leur tête ne fonctionne pas bien. Il dit, ils ont peur de prendre la parole de Dieu pour eux-mêmes. Ils ont peur de prendre les promesses de Dieu pour eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont croyants. Mais Dieu a plein de promesses ici pour les croyants. Et maintenant, si Dieu ne le fait pas, je finirai où alors? Qu'est-ce que je deviendrai? Et on commence à prendre un peu, on prend un peu, d'autres choses là c'est compliqué. Moi, je ne peux pas me compliquer la vie. Mais c'est comme un petit poisson qui se trouve dans les grands océans. Le poisson a été fait là-bas, il a été créé là-bas. Il a un petit ventre comme ça. Il a une toute petite bouche comme ça. Le poisson. Mais imaginez, la quantité d'eau de l'océan dans lequel baigne le poisson. Il peut se mouvoir partout. Tant que Dieu lui donne le souffle de vie et le mouvement, il peut se déplacer partout. N'est-ce pas vrai? Mais quelle folie, n'allez-vous pas imputer à ces petits prophètes? Si un jour, il commence à dire, écoutez, depuis que je suis né, j'ai aussi beaucoup bu d'eau. Hein? J'ai trop demandé et j'ai trop bu de cette eau. Si je continue avec ce système, sans me réfléchir, pour avoir l'esprit économique pour bien épargner, mais je risque de me réveiller et il n'y a plus d'eau. Ni pour me protéger, ni pour boire. Alors le petit poisson se met à dire, je vais boire un peu seul. À partir de maintenant, je dois économiser l'eau. Pour éviter qu'un jour je me réveille, exposé à l'air, sans eau pour m'abriter. Et sans eau pour boire. Dites-moi sincèrement, ce petit poisson aura-t-il raison? Est-ce que son raisonnement est correct? Cette façon d'agir, est-elle approuvable? N'allez-vous pas appeler sa folie? Du vrai non-sens? Avec quelqu'un qui se dit croyant, mais à qui l'on présente les promesses de l'évangile, mais lui veut se borner à quelques deux ou trois petites promesses, alors que la Bible est pleine de milliers de promesses, des centaines et des milliers de promesses, au lieu de les croire toutes, de les connaître, non. Nous voulons seulement nous arrêter à là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ah oui, Seigneur, tu es présent. Ou alors on prend une autre promesse similaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et regardez-moi ce frère, cette soeur là, c'est soi qui est croyant. Dans ses prières, il ne manque pas de réciter ces deux promesses. D'année en année, quand on lui demande de prier, et qu'il a l'occasion de citer une promesse de Dieu, il ne cite que les deux là. Posez-vous la question. Est-ce que toute la Bible que Dieu te donne, la première Bible que tu portes avec toi, ne contient-elle que deux petites promesses? Et dans tes prières de tous les jours, vraiment, tout ce que tu trouves à réciter, il n'y a que les deux là. Tu ne connais rien d'autre, Et tu fais 10 ans dans le message. 20 ans dans le message. Mais les deux promesses que toi tu as, c'est deux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pour là où deux ou trois sont assemblés à moi. Même la grande promesse de Marc 16, hein, qui est faite pour les croyants. Plusieurs ne s'y réfèrent même pas dans leur prière. Ils prient, ils peuvent demander plein de choses. Sauf Marc 16, 17 et 18. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, ils chasseront les démons. Non, lui quand il veut chasser les démons, il sonne seulement comme ça. Il a démons, dans les vides comme ça. Il se réfère à rien, il n'utilise aucun soubassement, il ne s'appuie sur aucun pouvoir biblique, il s'appuie sur les impressions qu'il a. Il a comme un mouvement suspect. Démons, pima, tu ne connais pas les noms de ces démons. Tu n'as aucun pouvoir, aucun démons, tu t'appuies sur le vide, et tu n'as pas les résultats. Pourtant, même les dirigeants de ce monde, quand ils prennent les décisions d'exercice du pouvoir qui leur a été attribué, une vraie décision n'est jamais prise sans motivation. L'on prend le soin de bien motiver la décision. Vous allez trouver monsieur le premier ministre, ou le ministre de ceci et de cela, ou le président de la République, vu la constitution, article 7, On va jusqu'à citer qui? Bako kende kino kotanga. Qui stipule que? Oui, vous allez pour le baïté. Et vit la loi telle. La mubeko, et vit encore l'ordonnance telle. La, mukano, et vit. La, tale, la, tale, la. Décide ou arrête. Et on peut maintenant aller vérifier si la décision est juste ou non. Et ceux qui s'aventurent à attaquer les décisions peuvent aller chercher les faiblesses là-dedans pour dire, oh, mais ça on ne peut pas exécuter parce qu'il y a de la confusion là-dedans. On a cité ici, on a cité là-bas, mais ça ne cadre pas, ça ne traite pas de la même manière. Alors, allez devant la justice, allez ça. Si dans les affaires humaines, si vous pensez que le diable ne connaît pas la Bible, savoir défendre ses droits et son pouvoir contre les chrétiens attaqués, les chrétiens passionnants qui ne maîtrisent pas le pouvoir que Dieu leur a donné et qui est écrit dans la parole écrite. Ils sont négligents là-bas. C'est pas grand chose. Il prie, il barbote, il raconte les histoires. Satan vous étudie et vous teste. Il connaît vos faiblesses et vos manquements. Soyez affermis. S'il vous plaît, que chacun prenne soin de sa famille. Le Seigneur a dit que vous connaîtrez Amen. La vérité. Et elle vous rendra libre. Vous devez connaître la vérité. Mais quand vous ignorez la vérité, vous ignorez la parole de Dieu, vous ignorez la volonté de Dieu, vous ignorez les promesses de Dieu, vous serez souvent détruits. Et Dieu lui-même l'a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan exploite votre ignorance. De sorte que même quand vous allez réclamer des choses pelles, lui peut attaquer ça. Imagine-toi, toi tu pries, tu penses que Dieu a pris ton moment parce que tu ressens de l'émotion. Oh, gloire à Dieu, j'ai vraiment prié. D'après toi-même, Satan récupère ta prière. Satan a vu le bon de l'île. Il est l'assistateur, il n'est pas devant lui. Il dit, Zambé, attends pour même, vraiment. Regarde ce monsieur là, il fait du bruit là-bas. Il dit même qu'il a bien prié. Regarde le sentiment là, il est auto-satisfait. Mais regarde ce qu'il a dit dans sa prière. Est-ce que devant ta parole, de telles choses avaient pas fait? Mais qui répondra-t-il, monsieur? Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Ta Bible ne dit pas ceci. Mais lui, il demande le conseil. Et du coup, Dieu aussi balance. Il est l'arbitre neutre. Et dit, bon, Satan. Alors, Satan, j'ai écouté. Nayoki. Pendant ce temps, toi, avec tes prières pêle-mêle, tu vas compter des semaines et des mois d'attente. Parce qu'il y avait du non-sens. Un procès a eu lieu là-bas. Contre ses prières. Ils ont été bloqués par une opposition satanique. Et Satan était intéressé à ce que vous perdiez. Satan que vous soyez détruit, à ce que vous mouriez. Il a intérêt à ça. Lui, il n'est pas pour ça. Même pour aller vous sacrifier de votre vie, il est prêt à le faire. Pour vous maintenir dans les statico. Dans les chaos, dans la défaite. Ne l'a-t-il pas fait contre Job? Dieu ne lui a-t-il pas donné raison d'une façon? Dieu ne l'a-t-il pas laissé faire? Et les épreuves de Job ne sont-elles pas prononcées? Ça n'a pas pris de longs mois et de longues années. Dieu était au courant de tout. Et Job devait continuer à se battre. Mais comment il en est arrivé là? Quand lui prospérait, Satan était jaloux. Quand il priait que Dieu l'exauciait toujours, Satan était Satan il est allé mener une action sur opposition au trône. Et il a attaqué les bénédictions des hommes, il a attaqué. Et Dieu lui a dit, va faire ce qu'il veut. Si Dieu l'a fait pour Job un jour, un homme intègre, ne va-t-il pas laisser faire Satan dans certaines situations de ta vie à toi? Et toi, tu vas te questionner si Dieu était juste. Dieu est juste. Et quand il doit se prononcer sur tes prières, il croit que c'est ce que tu lui demandes. Il t'a appris Jean 15, verset 7, que vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent à vous, demandez à l'homme tout ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Qui dit Amen? Mais vous ne voulez pas demeurer en lui. Et vous ne voulez pas laisser ces paroles demeurer en lui. Vous voulez prier seulement comme font le groupe de prières. Vous mettez là, vous fermez les yeux, vous m'entendez n'importe quoi. Pensant avoir accompli votre devoir, et croyant que Dieu va répondre automatiquement comme un robot. Mais vous avez un adversaire téméraire. Satan qui surveille tout ce que vous faites et la manière dont vous y prenez. Son ordre de vous bloquer. Son ordre de vous bloquer. Mon salaire est allé téléphoner là-haut. Pour quand même faire ça. Il n'y avait pas de question. Il a eu aussi Daniel dans la Bible. Il a fait Daniel écrit dans la Bible. Il a prié. Tant qu'on a dit sa prière est arrivée au trône. Mais le prince de Java ne s'est-il pas opposé à lui? À l'ange qui venait lui apporter la réponse. Dieu avait déjà libéré la réponse. Mais le messager céleste qui apportait la réponse habitait à une rude bataille là dans les pays. Opposition farouche. S'il passait à pas, s'il passe pas, il bloque bataille pendant 21 jours. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Daniel lui a prié, il croyait qu'il pouvait être fait. Il a répondu tout le monde. Il y a des batailles terribles. Et si vous n'êtes pas attentif, si vous ne persévérez pas, si vous vous relâchez, vous prêtez encore des armes à votre adversaire. Il va d'ailleurs lui qui insiste, Dieu regarde-le maintenant. Est-ce qu'il tient toujours à ça? N'a-t-il pas relâché? D'ailleurs il ne demande plus cela. Regarde-le, il murmure d'ailleurs. Il dit que tu ne le connais pas. Il dit d'ailleurs que tu ne l'as pas écouté. Il ignore même les promesses que tu lui as données. Que s'il demande quoi que ce soit selon ta parole, selon ta volonté, Dieu t'écoute. Mais lui, il est en train de dire le contraire. Il est en train de détruire sa réputation. Et maintenant Dieu regarde, oui. Cet homme-là qui dit, que c'est dit mon enfant, effectivement, ma réputation. Mais comment lui donner la réponse de ce qu'il a demandé? Donc, il n'est pas sérieux avec lui-même. Alors il dit à Satan, Satan, j'ai écouté. Satan, et si le sang de Jésus-Christ n'intervient pas pour couvrir votre ignorance, pour intercéder sur votre culpabilité, si le sang de l'agneau parfait n'intervient pas, voilà pourquoi vous prenez des années et des années avant de parler de réponse. Mais que Dieu soit miséricordieux. Laisse que le sang de Jésus agisse quand il s'agit de toi. Et je revendique le sang du Rédempteur. Qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclamait justice et vengeance. Mais le sang de Jésus réclame grâce et miséricorde. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette voix qui a ressenti à Golgotha, qui est écrite dans les évangiles, elle est toujours vivante jusqu'à maintenant. Elle ressenti encore au trône de Satan. Père, pardonne-lui, car ils ne savent pas ce qu'ils font. voyez, Satan s'est retiré. Avec les dossiers d'accusation contre toi. Et il y a reçu l'assurance que Dieu lui a dit, j'ai fait. Satan veut se retirer. La foi du Saint-Christ. Savez-vous quoi? Quand le Saint-Christ, Satan ne supporte pas cette personne. C'est un sang qu'il ne peut pas approcher. C'est un sang qu'il repousse loin. Quand le Père commence à s'inquiéter sur base du sang, Satan doit disparaître de la terre. Et les conclusions du jugement, Satan n'aura qu'à les apprendre à ses propres dépens. Il constatera simplement que sa cause n'a pas échoué. Lorsqu'il vient, l'aurier visiter ta vie, comme un lion qui s'en cherche, il constate que tu es allé de là-bas. Il s'agit du Seigneur. Il s'applique bien. A triompher dans cette affaire. Il est écrit dans ma loi. Et la miséricorde triomphe du jugement. Et de surcroît, le sang de Melchisedec. Le sang d'Emmanuel. Emmanuel. C'est mon propre sang. Je ne peux pas les renier. Je ne peux pas en annuler les effets. Il doit trancher. Il a tranché en sa faveur. Et quand je dois te dire que je n'y perds rien. Côté. Amen. Amen. Là, toi, tu te regardes. Voilà, yo. Toi, tu te réjouis. Parce que la grâce, la miséricorde, Les chrétiens sont les premiers bénéficiaires de la justice. Non pas justice par tes mérites, justice par le sang du rédempteur. Tu es justifié gratuitement. Dieu te fait gagner par grâce. Il faut suivre vraiment mérite. Mais tu seras condamné au sac que les mondes. Mais parce que tu as accepté le sang. Tu as accepté le sacrifice sanglant du calvaire. Dieu te distingue. Il te sort du lot des habitants. Il te considère comme à part. Il te bénisse tous ceux qui croient. Comme il avait béni Abraham. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sang. La victoire est dans le sang. Alléluia. À l'agneau, la gloire à lui. Gloire, gloire, gloire, puissance. Gloire, gloire, gloire à lui, l'honneur, la majesté, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen. Gloire au sang. Amen. Vous avez connu la matila. Vous avez côté la matila, mon thème. Rien que le sang d'Emmanuel. Vous avez la matila, Emmanuel. il parle bien pour mon âme. Et là, Il parle bien pour mon âme. Amen. Jusqu'à ce que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. Amen, amen. Le amen. Sang continuera à faire le travail. Il peut m'arriver de faillir en prière. Amen. Il faut que tu sors du climat de crépuscule. L'atmosphère autour de toi change. Et que la bonté de Dieu remplisse ton âme. Et son disamoué la yo. Pour te pousser à l'humilité. Pour la continuité. À la reconnaissance. Et à voir la gloire de Dieu. Sois affermi dans l'évangile. N'oublie pas ce que nous disons. Sois affermi dans l'évangile. Il est vivant, Jésus Christ, il est vivant. Il est vivant, Jésus Christ, il est vivant. Alléluia, la croix est devant moi. Oh oh, je ne veux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Oh oh, je ne veux plus jamais reculer. Le sang de la croix agit encore. A qui là est pour lui, c'est allé pour ça là. À lui est révélé la justice de Dieu. A qui là est calif, il voyait que venait l'ensemble. C'est là encore nous. C'est coupable et digne. Ma soeur a bougité. Je vais te accueillir. Ma conduite qu'on y a maman. C'est venu. Protégé. Et qu'on s'occupe à battre la nuit. La poupée est encore l'ensemble. Et tu ne sais que croire. Amen, amen. Vous allez voir, vous allez qu'on dit ma. Ça. Ça, ce ne sont pas les promesses des hommes. Voilà, ils allaient bien à la bataille. Vous les habitants du monde, vous convaincant au sujet de la justice. Il y a ceux qui ont eu conviction, vous voyez, Awa, et qu'on fait son pico, fait ça, on me m'a dit, on paga le Liban. J'ai dit, ça y est, on dit, mais l'ensemble, on dit, Dimela sango na dimela. Amen. Dimela sango malamu na dimela. Okomana kia mwana zambi. Amen. Amen. Mais tu dois être toi-même convaincu d'abord. Et Seigneur, nous avons dit que nous avons dit que Dieu est juste. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Moi je me sens concerné. Louange à Jésus-Christ. À Saint-Jean-Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Il est puissant. Jésus-Christ, il est puissant. Il est puissant. Jésus-Christ, il est puissant. Alléluia, la croix est devant moi. Oh oh, je ne veux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Oh oh, je ne veux plus jamais reculer. Déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Comme dans la parabole du juge iniquité. Ils peuvent venir, mais rends-moi justice. Fais-moi justice. Par rapport à la partie adverse. Le juge ne craignait pas Dieu. Il avait tous les pouvoirs. Allez, vous continuez. Oh, elle a demandé l'importe. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec son bébé? Il est pauvre. Je m'en fous. Il dort, il se retourne dans son lit. Si mon sang est sur la série de gouvernement, devant la force de la persévérance, l'insistance, la détermination. Et maintenant, le Seigneur dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit. Je vous dis qu'il leur fera justice. Et comment il va faire cette justice? Promptement. Voilà pourquoi soyez déterminés. Vous allez penser à votre ancien. Soyez persévérants dans la prière. Même si la persévérance faillit, soyez au sang rédempteur. Bon dimanche la matinée, mon Seigneur. Criez secours au sang. Bon ganga, matinée contre la vie. Seigneur Jésus, que ton sang est terminé. La colo matinée, la écoute à quatre mois là. J'y crois tellement, je suis désespéré. Je suis un pauvre pécheur. Dis-moi que tu as sauvé ma femme. Est-ce que ton sang couvre mes faiblesses? Que ton sang comble mes insuffisances. Amen, amen, amen. Ayez foi que Dieu le fera. Afin que le Fils de l'homme ne revienne, Dieu fera promptement justice à ses élus. Est-ce que tu prends la promesse pour toi-même? Cette promesse pour toi? Comme dans l'époque où nous attendons le retour du Fils de l'homme. Et mais avant qu'il ne vienne pour questionner s'il va trouver la force sur la terre, Dieu fera promptement justice à ses élus. Il vous confirmera chaque parole de Dieu. Il réalisera ses promesses à votre égard. Car s'il ne le fait pas, il sera injuste. Donc, il a angotia, zanga, de promettre quelque chose, il réalisera. Mais tout ce qu'il a promis, Abraham croyait comme moi. Abraham, il ne vit pas pour l'accomplir. Toi aussi crois comme moi. Tout ce que Dieu t'a promis. Promesses dans le livre ici. Et tu ne connais qu'une petite fraction. Mais tu t'exhortes à connaître fouiller davantage. Sonde les écritures. Sonde les promesses. Tu es riche dans les promesses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Zambe na biso azaka nzambe ya bilaka. Zambe la bilaka ezan otomokilorti. Le Dieu de promesses. Zambe ouais bilaka. Comme les incrédules ont commencé à dire. On se fait le président d'un certain pays. Ils ont commencé à l'appeler Zambe la bilaka. Zambe ya ma promesse. Il n'est pas Dieu. Azali Zambe te. Cet homme-là n'est pas Dieu. Amen. Moutouana dans l'Inzambe. Le Dieu de la Bible, c'est ça le Dieu de promesse. Yé l'Inzambe a dit la car. Je sais que c'est lui. Na yé dié que c'est le Dieu de la Bible. Par sous, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Le Dieu de la Bible, c'est ça le Dieu de promesse. Zambe la Bible, yé l'Inzambe a dit la car. Et tout ce qu'il a promis. On a dit qu'il la car. Ne le fera-t-il pas? À quoi ça l'angoté? Ne le réalisera-t-il pas? À quoi qu'il s'angoté? Au Bangani. Osana Sabilaka. Amen. D'abord Osamu na Bilaka. Obotami na leka mbalasi 4:5. Obotami na leka Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier. Obotami na leka Zacharie 14:7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Obotami na leka Jean 14:12. Les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Et même davantage. Tout ça, c'est des promesses. Au bout de Marc 16, 17 et 18. Malako. Il chassera les démons. Il parlera de nouvelles. Il saisira les serpents. Il prendra un breuvage monstre. Il te fera poliment. Il posera les mains malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Amen. Promesse sur promesse. Et la cale colonne et la cam sousso. Écoute encore. Bon, cale sousso. Isaïe 58. Isaïa. Oh, j'ouvre ici. Isaïe 58. Partout des promesses. Lise encore. Mais pas y'a pas de la promesse pour Sangoy. Et la cam sousso Sangoy. Isaïe 59, verset 1. Isaïa. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Voilà, le mot qu'on a là où les gens nous coupent et j'en ai coupé ça. L'histoire n'a rien et j'en ai nous indoqué et j'en ai coupé. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. C'est la promesse. Et j'en ai la carte. Donc, vous comptez ça comme on a là où les gens nous coupent et nous coupent et nous coupent. Et puis nous n'avons pas. Zambi est quoi le cola estima et jali koto la makasi. Verset 20, une autre promesse. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux des Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Est-ce qu'il a confirmé ça? Oui, amen. Amen. Pour nous l'église de la société. Fille de Sion. Père Mosipoli a quoi et pas la Sion et pas la Bango Katina Yakobo. Baoyo, Bakot. Boutoua, Longwana, Verset 21, une autre promesse. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Yahweh a dit que c'est ton angai, oyo, et j'allais conduire mon angai, et le mot n'a pas été. Molimo na ngai oyo ezali kolo na yo mpe maloba na ngai longwa na monoko na yo te, to na monoko ya bana na yo te, to na monoko ya bana na yo te. Longwa sasa ipi kino libela yawe alobi bongo. Isaïe 60, autre promesse. Isaïa, tuku motoba. Verset 1 et 2. Molongwa ya mbope nivale. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Amen. Même si les ténèbres font pression. Attends, Dieu t'a promis. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Et au verset 2, la distinction revient. Première distinction. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, Amen, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Zambitala molili ejipi mokili. Molili tu eko jipampe mabota. Nde yawe akobimela yo pe. Kembo na ye eko mona na bikolo na yo. Et allons maintenant au chapitre 58. Ok, nina tuku mitano na mwambe. Oh, verset 8. Mwonga mwambe. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. Amen. Ta justice marchera devant toi. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bongo pole na yo ekobima lokola kobima na moi pe kobika na yo ekopunja mbango boyenge bene na yo ekotambola liboso na yo kembo na yawe ekobatela yo na nsima. Olobeka lobele bongo eteni nyonso mokata nyonso. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, mais voici. Amen. Si tu es loin du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Bongo, kopian a fait yawe a kozongi sa liloba. Okongang a fait a ko loba ete na jali awa. Soko kolongola e kangeli na kati na yo. Poursuivons jusqu'au verset 14. Dans chaque verset, une promesse. Si ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigène, indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Amen. Et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est Yahweh akokamba yo tango yonso, akotondisa mposa na yo na bisika bikauki, akokembisa mpe mikuwa na yo na mafuta. Ozali lokola elanga esopelami mai mpe lokola lijiba na mai oyo mai na yango ekojanga te. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. C'est lui qui restaure le chemin. Amen. Qui rend le pays habitable. C'est ma bongo na ma banga na yo na kala ma kotonga ma lisusu. Okotongo la lisusu ni boko na ma bota mingi. Okotianga ma ete mopambina bisika bipaswami. Okongisi na njela mpona kofanda. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Amen. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Verset 14-15. On ira frayer, préparer le chemin. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Promesse sur promesse. Amen. Car ainsi parle Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Promesse sur promesse. Verset 18 et 19. Je vis chez moi et je les guérirai. Promesse sur promesse. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Dieu voit tes voix. Il connaît ton cœur. Et il te consolera. Il te délivrera. Il te guérira. Il redonne la vigueur à tes membres. Même si ton esprit se devient paralytique. Il y a un Dieu qui guérit toutes les maladies. Verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Imaginez. Rien que 4 chapitres. Regardez plein de promesses. Maintenant, tous les livres d'Isaïe. Chaque livre de l'Ancien Testament. N'avez-vous pas des centaines de milliers de promesses? En quelques minutes, regardez des promesses qui plaisent. Qui soutiennent la foi de ceux qui croient. On peut continuer à parcourir comme ça. On n'en finira pas. Ça va continuer à pleuvoir. Notre Dieu est le Dieu des promesses. Dieu des promesses. Et il est fidèle, très fidèle. Il est véritable dans tout ce qu'il promet. Il est juste. Et il vous convainc. N'est-ce pas là? Je reviens à la prière de Frère Brunan. L'esprit sait se mouvoir. On a laissé la citation. On s'est retrouvé dans des passages bibliques. Notre précieux Seigneur, nous te remercions très simplement du fond de notre cœur pour cette espérance vivante que nous avons. Chacune de ces promesses construit cette espérance vivante. Parce que ce sont des promesses d'un Dieu vivant. Immortel et immuable. Nous remercions très humblement le Seigneur. De tout notre cœur. Pour cette espérance vivante que nous avons. Dans ce corps mortel. Bien que ton corps est mortel, mais Dieu a chargé ça. Des promesses multiples, des promesses divines, qui alimente et construit une espérance vivante. Malgré la mortalité de son corps. Devant eux, témoigne de ça. Il existe un Seigneur Dieu et Jésus-Christ. Et par sa miséricorde et sa bonté, il nous a donné la vie éternelle. Amen. Et cette grande espérance est en nous aujourd'hui. Et nous la sentons comme un puits bouillonnant dans nos âmes. Si quelqu'un parmi vous est qu'il est concerné, quelque chose va bouillonner, exactement comme c'est dit là. Et ça édifie l'homme intérieur. Ils ont ça très très bien. Et bon, ça n'est pas passé. Y'a mon kiliawa, ma défaite, n'a pas déception, ma frustration, n'a biloko et zangatina, ou et salimata sous le soleil. Mais la promesse de Dieu, l'espérance vivante, gloire soit rendue au Dieu vivant. Et cette grande espérance est à nous aujourd'hui. Et nous la sentons comme un puits bouillonnant dans nos âmes. Nous donnons l'assurance que toutes les paroles de Dieu sont la vérité. Et nous sommes si heureux de savoir aujourd'hui que nous n'avons pas à supposer cela. Vous allez tenir pour bander la licorne en haut. Ce n'est plus une supposition. Vous allez tenir pour bander les bandeaux. C'est une certitude. Vous allez la solo. Par Dieu qui vous donne les promesses et certains. Dans votre copain, ça ne vit la case à la solo. Car nous avons lu sa promesse. Vous en avez la canaille. Et nous les voyons venir pour accomplir cette promesse. Comme on a écouté à pour la copie de la parole. Toi aussi tu les vois venir. Nous faisons comme on a écouté. À travers les quelques promesses que nous avons lues. Il a fait aussi que tant d'abord. Les vois venir déjà pour la compagnie. Nous faisons comme on a écouté. Il parle pas en vain. Alors va qu'à pas en bas. C'est qui t'a prêché ce soir? Ouais, c'est les étés. Nous n'avons pas de sang de fer. Nous faisons comme on a fait dans un pays. Réaliser les choses. Et c'est le lieu quoi qui s'allie comme vous. Dieu est juste. Dame Azalisembo. Ne pas te parler en bas. Il parle pour agir. Il parle pour avoir les effets. Il parle pour changer les choses. Pour chasser tes ténèbres. Tes doutes et tes frustrations. Tes douleurs doivent s'enfuir aussi. Tous les démons qui tourmentent. Amen. Tu es appelé à la liberté. Tu as droit à la paix. Vous allez m'accoquer à qui me fait vos bossons. La cause à la volante. Vous allez m'accoquer à Jésus-Christ. La pomme de Jésus-Christ. Dieu est Dieu tous les jours. Tant bien, allez, tant bien, Nicolas. Il est difficile et fait. Avalé la pomme de la solo. Avalé ça, mon pas mon guide. L'amour de mon cœur. Olingo, Olingo, la casale. Et si tu l'as, pour mon côté. Comme on a eu, tumba, mais la paix tombe à moi. Merci Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Seigneur. Attends, Nicolo. Gloire à ton nom. Tiens, voilà, comme on a eu. Dans l'église. Katina Tresa. Katina Vandako. Katina Vandako. Katina Vandako. Pas de l'autre. Gloire à ton nom. Tiens, voilà, comme on a eu. Je vais aller à solo colo. Satan n'a pas droit parmi. Satan a venu ma coquille quatre vite. Nous sommes entre nous les rachetés. Vous allez quatre vite sur la patricole. Appelez les seigneurs. Les seigneurs à l'héritage. Vous allez ma coquille à l'écoule à l'école. Vous allez ma coquille. Et en droit à la victoire. Ma coquille est longue. À la puissance. À la fortification. À la bénédiction. À la l'élévation. À la victoire méritée. Longa Mindi. Et il y a droit au don de l'esprit. Manifestation. Toutes les manifestations. Ma et il y a droit à la force de Dieu. La tombe l'ensemble. Dieu est bon. Zambé à Zalmalamu. Dieu est parfait. Zambé à Bongibé. Sa présence est notre conscience. Et sa joie est votre force. Et si on a eu Zalmakasi Nabino. Nous avons lu sa promesse. Et nous les voyons venir. Et pour accomplir cette promesse. Et la parole. Par conséquent, nous savons que c'est la vérité. Il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et le Fils, il est la parole. Oh, tu es en train d'entendre la parole. Et cette parole t'a franchi. Il va en étendre la yo. Écoutez, Boka. Et nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui est témoin de sa résurrection. Et nous sommes reconnaissants pour les ministres. Saint-Esprit d'abord, les ministres ensuite, les prophètes. Qui soutiennent la vérité et la justice. Pour ça aussi, soyez reconnaissants. Ça fait partie de vos droits. C'est un privilège que le Seigneur vous a donné. Pour le soleil sur la terre de l'île. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Il est témoin de sa résurrection. Il en témoigne, il en témoigne. Si tu veux l'épreuve de sa résurrection, il est témoin de sa résurrection. Si Seigneur, prouve-moi que tu es reconnaissant. Il est témoin. Amen. Et nous sommes aussi reconnaissants pour les ministres, pour les prophètes de Dieu, pour la vérité et la justice. Et nous te prions de bénir les gens aujourd'hui, où qu'ils soient à leur chair, à travers le monde, même au tabernacle des chrétiens. Amen. Attends, Christo, je peux prendre ça aussi pour moi-même. Amen. Oui, je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de vous voir. Que Dieu bénisse ces ministres-là aujourd'hui. Que Dieu bénisse ces gens aujourd'hui. Zambé à Pambo la Batouana Lélo. Qu'ils soient à leur chair. Bas à la Wapi le monde. Afin que le Saint-Esprit se meure. Avec puissance. Et leur accorde sa parole. Et que cela produise partout des grands résultats. Car nous croyons que l'avenir de Jésus est proche. Dans Luc 18, il va revenir. Il nous verra la face sur la terre. Et à partir de Dieu, Dieu fera promptement justice. Jésus lui. Qui crie à lui. Pour nuit. Tu aimes la vérité? Oligi solo, amen. Et tu aimes la justice? Oligi boyenge bene. Parce que tu réclames la justice? Oligi kosenga boyenge bene. La confirmation de la parole? Oligi kosenga liloka. La confirmation des promesses de Dieu? Oligi kosenga liloka. Dans ta vie et ta famille? Quand tu l'as vu mon appel, votre nom? Tous tes parents et tes enfants? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Tous tes frères et sœurs? Amen. Chaque jour, pendant les heures. La pêche est amenée. Comme on a un jour. Amen. Il exauce la prière. Amen. C'est vrai. Il exauce la prière. Amen. Il écoute quand tu vas faire. Azali Koyo, quand on va te donner. Dieu est tout capable. Zamba, Zala, ma copine, on change les choses. Azali Koyo, on va battre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba, comme on va dire. Nous nous devons pour la prière. Hôtel, moi. Amen. Amen. Amen. Jéricho, un soldat, l'homme, Dieu peut-être pardonner, absoudre au sauveur de mes péchés et Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps je loin de ta face, prends vos sans cinq coups. Fermez ton cœur, mais mon cœur à sa grâce. Blessé, c'est le chien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi Seigneur. Jésus, libère les âmes, Seigneur Jésus. Ta liberté juste les âmes. Je veux être libéré de ton péché, de ton péché qui m'obsède à jamais et à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur, merci. Gloire à toi pour la sainte belle Esprit de Dieu. Par ton métal l'Esprit. Le ciel, présent, tu es l'un d'eux par la grâce de Dieu. Vous allez m'en prendre avant la parole de Dieu. Le pour l'éternité. Amen, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, alléluia, tel que je suis, élevez la main, je tombe dans la bouche. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Mi pesa encore. Vele la belle comme on est en obico. Vele la peine de l'ensemble de moi. Bande la vie la chakoye à côté. Jamais n'a voyé que venez vous battre les pommes ici. Ma coquine est zangine de l'eau. Au bon de la mort et à la mort, ça a été. Je suis le sommet. La force est en Jésus-Christ. Amen. Oui, la force est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute gloire est en Jésus-Christ. Amen. Toute gloire est à Jésus-Christ, amen, amen. Honneur à Jésus-Christ, amen, amen. Et la gloire à Jésus-Christ, amen. Louange à Jésus-Christ. Amen. Oh, louange, ange, secret. Amen. Élévance, ange, secret. Amen. Ad élévance, ange, secret. Amen. L'amour, ange, secret. Amen. Amour divin, ange secret, amen. Pour la joie, ange secret, amen. Et la joie, ange secret, amen. Pour la paix, la paix divine, pour la paix. Ange secret, amen. Oh guérison, ange secret, amen. Oh guérison, ange secret, amen. Victoire, ange secret, amen. Oh éveille-toi, ange secret, amen. Oh, et la voir, ange secret, amen. La voix divine, ange secret, amen. Oh, la foi, amen. La foi victorieuse, ange secret, amen. Une protection, ange secret, amen. Une protection, ange secret, amen. Bénédiction, oui, amen. Bénédiction, ange secret, amen. Passons encore à ceci. Nous sommes comme cette veuve-là. Nous n'avons pas de parapluie sur qui compte. Nous n'avons que Jésus-Christ. Notre défenseur est sauveur. Notre agneau parfait immolé. On ne peut parler mieux que celui-là. Si la veuve a demandé justice, contre sa partie adverse. Église, quelle est ta partie adverse? Comment s'appelle ton adversaire? C'est Satan. Votre adversaire. Qui rôde autour de vous. Cherchant qui est-ce qu'il dévore. Nous allons réclamer justice à Dieu maintenant. Contre notre accusateur. Contre Satan et son armée. Contre Satan et tous ses démons. Contre Satan et tous les sorciers. Êtes-vous prêts? Nous allons prier ensemble maintenant. Vous allez dire après moi. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, tu es le Dieu suprême et parfait. Au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu as le juge qui a l'autorité souveraine. Et tu n'as de compte à rendre à personne. Nous avons appris par l'évangile que notre adversaire Satan vient régulièrement là-bas devant le trône. C'est ton trône de gloire. C'est aussi un trône de jugement. C'est un trône de justice. Mais pour nous, te croyons. C'est un trône de miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Fais-nous justice. Satan. Fais-nous justice. Contre chaque démon. Fais-nous justice. Contre tout esprit impur. Fais-nous justice. Contre tout esprit de rétrogradation. Fais-nous justice. Contre chaque sorcier. Contre chaque marabout. Contre chaque péché. Seigneur Dieu. Fais-nous justice. Nous la réclamons maintenant. Et dans notre vie tous les jours. Sous le soleil. Et sur la terre des vivants. Nous les demandons sous le sang de l'agneau. Et par la foi que tu nous as donné. Nous réclamons sous le sang de Jésus-Christ. Que tu libères les âmes. De tous les liens d'envoûtement. De toutes les sorcelleries. De tout piège. Donne-nous la liberté. Et tout humblement, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.